La voiture blanche doit céder le passage. À la voiture rouge? Oui, réponse A. Non, réponse B. À la voiture bleue? Oui, réponse C. Non, réponse D.